Fidèles auditeurs, auditrices de la radio scolaire de la Gakoura, chose promise, chose faite, 6h55, c'est le moment de suivre la présentation du journal parlé à langue française. À la présentation, nous sommes avec René Bizimana, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans les studios de la radio scolaire de la Gakoura. Merci et bonjour Egide et bonjour vous tous qui écoutez la radio scolaire de la Gakoura et bienvenue à cette édition de la matinée. D'abord, les principaux titres. Le deuxième vice-président de la République a reçu en audience une délégation venue de la Russie pour échanger sur le projet d'implantation d'une usine de fabrication des ampoules électriques appelée Tanganyika Lisma Lighting Innovation. L'association burundaise des étudiants en médecine ABM qui lutte contre le diabète a organisé ce samedi une séance de dépistage volontaire dans les enceintes de l'école indépendante de Bujumbura et l'école fondamentale Saint-Michel. Selon le président de cette association, cette activité permettra aux gens de faire une prévention. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega célèbre depuis ce samedi le jubilé d'or de la première promotion. Le directeur de cette école précise que ce sera l'occasion de présenter leur projet d'avenir. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Encore une fois, bienvenue, ingénieur Pierre Claver-Nzindo qui assure la mise en onde. Je vous le disais en titre, le deuxième vice-président de la République du Burundi, Joseph Butore, a reçu en audience ce samedi une délégation venue de la République de Moravie en Russie. Une délégation conduite par le vice-premier ministre russe de l'industrie, Isidore Nirameba, porte-parole du deuxième vice-président de la République, indique que cette délégation était venue implanter une usine spécialisée dans la fabrication des ampoules électriques appelée Tanganyika Lisma Lighting Innovation. Ils ont dit à son Excellence, le deuxième vice-président, qu'ils étaient venus pour concrétiser la promesse attendue, la promesse d'implanter une usine de fabrication des ampoules ici au Burundi. Et c'est donc l'ISMA, c'est une extension de l'ISMA, dénommée ici au Burundi TLINA, TLINA qui est en toutes lettres Tanganyika Lisma Lighting Innovation. Cette entreprise, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, va bientôt commencer à s'installer et commencer à produire des ampoules électrique, non seulement pour le Burundi, mais également pour la région, parce qu'ils comptent exporter leurs produits à 80%. Son Excellence, le deuxième vice-président de la République, était très heureux et ravi d'apprendre d'eux que, à part ce projet de produire des ampoules électriques, leur entreprise compte également s'investir dans plusieurs autres domaines de développement ici au Burundi à l'avenir. Il a promis que le gouvernement fera son mieux pour permettre cette entreprise de bien fonctionner et d'atteindre ses objectifs pour l'intérêt de la population burundaise et pour l'intérêt du gouvernement burundais. Parce que vous savez, avec une implantation d'une nouvelle entreprise, le gouvernement gagne beaucoup, la population gagne beaucoup en termes d'emploi, en termes de transfert de technologies, parce que l'entreprise compte former la jeunesse burundaise qui constitue la majorité de la population du Burundi. Vraiment une bonne nouvelle pour le pays, pour sa population. Le 21 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Au Burundi, cette journée a été célébrée ce samedi sous le thème « Vivre pour raconter sensibilisation et réduction de la mortalité ». Le représentant du coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi se réjouit de la coopération entre le Burundi et les Nations Unies en matière de la réduction des risques de catastrophes. Cette année, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé dans son message, à l'occasion de cette journée mondiale, l'importance qu'il accorde à cette cérémonie en elle-même et à l'abnégation de ceux et celles qui se dévouent pour sauver des vies. Je cite ses propos. S'il est toujours possible de remplacer des biens matériels, chaque personne est irremplaçable. Je suis toujours consterné par le nombre de morts lors des catastrophes. La Journée internationale de la réduction des risques des catastrophes est l'occasion de réaffirmer notre volonté de continuer à apporter les secours qui sauvent des vies et de penser à tous ceux qui ont donné la leur pour cette noble cause. Au Burundi, les réalisations conjointement menées par le système des Nations Unies et les institutions nationales qui opèrent dans le domaine de l'atténuation des risques de catastrophes sont très concluantes. Nos efforts conjoints dans la réduction de la préparation aux catastrophes se trouve au centre d'un partenariat entre le gouvernement du Burundi, les Nations Unies, les ONG et les plateformes nationales et régionales pour la réduction des risques de catastrophes. Au Burundi, le système des Nations Unies appuie l'État burundais dans les efforts conjoints pour assurer la protection et la préservation de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. La plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes coopère efficacement avec les acteurs internationaux et nationaux qui interviennent dans les domaines. Le système des Nations Unies appuie également la mobilisation des ressources, le développement et la mise en œuvre de programmes intégrés en lien avec l'environnement. Vous saurez que les cérémonies ont eu lieu sur le terrain de l'école technique secondaire de Kamengetes en présence du premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimou. La régie des eaux demande les informations faisant état d'un carburant qui coulerait dans les caniveaux tout près de la Brarudi en provenance de ces groupes thermiques. Le directeur général de la régie des eaux, Jéroboam Nzikobanyanga, l'a dit le soir de ce samedi au moment où il y avait des personnes de la zone Buyenzi qui puisaient des déchets croyant que c'est du carburant. Il lance un appel aux usagers des véhicules de ne pas acheter le carburant des bidons. Au courant de la soirée, j'ai été alerté qu'il y ait un carburant qui est en train d'être puisé par la population sous le pont où il y a un caniveau qui vient du marché de Ruvumera, du quartier de Buyenzi. Mais je dois dire avec grande voix qu'il n'y a pas ici de pipeline qui amène du carburant en provenance des groupes thermiques de la régie des eaux. En principe, dans une période de crise de l'électricité, on utilise notre centrale thermique de la régie des eaux. Là, nous utilisons le carburant. Et c'est pourquoi, durant cette période, nous utilisons le carburant. Et ce caniveau, il passe des résidus donc du centrale thermique. Donc, à proprement parler, je dois dire que la population utilisatrice des véhicules qu'ils évitent d'être trompés, qu'il y a du carburant qui sont dans les bidons. Et je conseille à tout le monde d'éviter d'être trompés, qu'ils ont un carburant à moins cher, parce que ça risque d'abîmer. Ça va abîmer d'ailleurs les véhicules. Vous voyez, ce sont des déchets. C'est un caniveau des déchets. J'interpelle vraiment toute la population à éviter d'être trompés. Radio Ndelagakula, vous nous captez également sur notre site web www.radionderakura.com. L'association burundaise des étudiants en médecine ABM qui lutte contre le diabète reste préoccupée par cette maladie chronique. Dans le but de contribuer à la lutte contre le diabète, l'ABM a organisé ce samedi une séance de dépistage dans les enceintes de l'école indépendante de Bujumbura et l'école fondamentale Saint-Michel. Comme le précise le président de l'ABM, Franck Nziza, cette activité permettra aux gens de faire une prévention et aux autres personnes atteintes par le diabète, d'avoir des conseils pour vivre longtemps avec cette maladie. La raison qui a été l'organisation de cette activité, c'est que nous avons vu que le diabète et ses facteurs de risque constituent un problème de santé publique. C'est pour cette raison que nous avons jugé important d'organiser cette activité pour pouvoir dépister la population de façon volontaire, faire en sorte que les gens puissent faire une prévention et ceux qui ont déjà le diabète puissent avoir des conseils et vivre longtemps avec le diabète. Alors, les chiffres, on n'a pas encore de chiffres qui reflètent la réalité nationale par rapport au diabète et les facteurs de risque. Mais pour le moment, les chiffres qui résultent des études qui ont été faites donnent des chiffres parcellaires, mais qui peuvent s'estimer entre 5 et 10% au sein de la population burundaise. Nous comptons justement organiser d'autres activités comme l'activité que nous avons organisée aujourd'hui. Étant donné que la journée mondiale qui est normalement célébrée le 14 novembre approche, donc ça c'est comme une activité pilote qui va conduire à l'organisation d'autres activités de grande envergure qui vont faire que nous puissions célébrer la journée mondiale de lutte contre le diabète le 14 novembre. On a préféré commencer nos activités au sein des écoles secondaires parce que nous avons toujours mis l'accent sur la sensibilisation de la jeunesse pour permettre à cette jeunesse de prévenir le diabète et surtout de faire un dépistage précoce et avoir des conseils pour pouvoir éviter les facteurs de risque qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir la sédentarité, la prise excessive d'alcool, le tabagisme, mais également faire de l'activité physique. Aujourd'hui, il n'y a pas de personne qu'on va déclarer diabétique. Seulement, ce qu'on va faire, un dépistage vise en fait à avoir une idée si une personne a le diabète ou pas, l'hypertension ou pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on les oriente vers les structures de soins pour qu'ils puissent faire alors des examens qui vont permettre d'établir le diagnostic et déclarer ces personnes diabétiques ou pas. Du côté du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, les jeunes de moins de 25 ans sont pris en charge en leur donnant des médicaments, l'insuline, ainsi que des appareils de dépistage via des associations. Le directeur du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, Innocent Nkurunziza, conseille aux gens de modérer la consommation d'alcool, car l'alcool est facteur de diabète. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, via son programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, prend en charge les patients qui sont en association en leur donnant des médicaments, l'insuline, et aussi des appareils de dépistage, les glucomètres et les réactifs pour l'autodépistage. Mais nous limitons aux enfants de 0 à 25 ans. Ne pas prendre beaucoup d'alcool ou abandonner l'alcool est un facteur qui limite le fait de devenir diabétique. Mais voulons signaler que tout excès de nourriture qui entraîne l'obésité, même si vous prenez beaucoup de nourriture et vous devenez en surpoids ou en obèse, vous avez le risque de développer le diabète. La direction provinciale de l'enseignement de Moaro connaît un certain nombre de défis, dont celui de manque d'enseignants, surtout au quatrième cycle de l'enseignement fondamental et au poste fondamental. Comme le précise le directeur provincial de l'enseignement de Moaro, Salsiel Nakamulenga, un autre problème que connaît la province scolaire de Moaro, c'est le manque de manuels scolaires, surtout dans les classes de 7e année fondamentale nouvellement ouvertes. Les activités scolaires sont liées au manque d'enseignants au niveau du cycle 4 du fondamental, mais également au niveau du poste fondamental, surtout au niveau des premières années du poste fondamental. Vous savez que cette année a été une année particulière où on a confronté des promotions. C'est dans notre province, le redoublement a touché en grande partie au niveau de l'ex-primaire, c'est-à-dire au niveau du cycle 1-3. Au niveau du poste fondamental, c'est-à-dire au secondaire, il n'y a pas eu de redoublement parce qu'on n'avait pas l'excès d'enseignants. Et dans notre province, nous n'avons pas eu d'enseignants qui ont été déployés dans les autres provinces vers notre province. Il y a quelques communes qui ont ouvert les classes de 7e année. Les problèmes qui entre les classes sont entre autres au manque de livres. Les livres de 7e année, les livres de 8e année dans les écoles en évolution sont quasiment inexistants. Voilà, à cette heure passée de 16 minutes, c'est la fin de cette édition. Mais vous retiendrez que le deuxième vice-président de la République a reçu en audience une délégation venue de la Russie pour échanger sur le projet d'implantation d'une usine de fabrication des ampoules électriques appelée Tanganyika Lisma Lighting Innovation. L'association burundaise des étudiants en médecine ABEM qui lutte contre le diabète a organisé ce samedi une séance de dépistage volontaire dans les enceintes de l'école indépendante de Bujumbura et l'école fondamentale Saint-Michel. Selon le président de cette association, cette activité permettra aux gens de faire une prévention. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega célèbre depuis ce samedi un jubilé d'or de la première promotion. Le directeur de cette école précise que ce sera l'occasion de présenter leur projet d'avenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de rédaction. Merci également à Pierre Claver-Nzindukié pour sa complicité technique. À la présentation, vous étiez avec René Bizimana. Bonne journée dominicale.